إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous continuons la lecture et l'explication du chapitre des invocations du matin et du soir, tiré du livre La citadelle du musulman du Cheikh Saïd ibn Ali al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui à la 12e invocation prophétique qu'il a mentionnée dans ce livre et qui consiste à dire matin et soir « Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. » Ô vivant, ô toi qui es celui qui subsiste par lui-même, j'implore ton secours par ta miséricorde, améliore ma situation tout entière et ne me livre pas moi-même ne serait-ce qu'un instant. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que cette invocation est rapportée par An-Nasa'i et d'autres dans un hadith jugé bon par Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. Anas, qu'Allah l'agré, a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné cette invocation à sa fille, Fatima, et il lui a recommandé de la prononcer matin et soir. Et on voit à travers cela la bienveillance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa fille, à qui il a enseigné ici ce qui lui permet d'atteindre la piété et la réussite. Et c'est ainsi que se doit d'agir tout musulman et toute musulmane, tout père et toute mère qui souhaite réellement le bien pour ses enfants. On doit se soucier avant tout de leur éducation religieuse, de leur enseigner ce qui leur permettra d'être de bons musulmans, des vrais monothéistes, des suiveurs de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des musulmans utiles pour eux-mêmes, utiles pour leurs parents et utiles pour leur société. Et ce, en leur enseignant, en premier lieu, la croyance authentique, mais aussi en leur enseignant les règles liées à leurs adorations, les règles de la purification, les règles de la prière, les règles du jeûne, et ainsi de suite. Mais aussi en leur enseignant les nobles comportements prophétiques et tout ce qui leur permet de se rapprocher du paradis et de s'éloigner de l'enfer. Ceci est la responsabilité des parents. Et entre dans cela le fait d'enseigner à ses enfants le rappel d'Allah, de leur enseigner le dhikr, et plus particulièrement les adhkars du matin et du soir, les adhkars du sommeil, les adhkars du réveil, les adhkars avant de manger, après manger, et ainsi de suite. Car ceci est la voie de la piété et de la réussite, bi'idhnillahi ta'ala. Et ceci va leur permettre d'avoir le cœur sans cesse lié à leur Seigneur, et de ne pas grandir seulement dans la distraction et l'insouciance, comme le sont aujourd'hui la grande majorité des gens, parmi les enfants et même les adultes, wallahu al-musta'an. Donc le musulman doit avoir conscience de cette responsabilité et de ce dépôt qui lui a été confié, et se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Ya ayyuhalladina amanu, ô vous qui croyez, qu'u anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijar. » Protégez vos personnes, mais pas seulement, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Et comment on se protège de ce feu ? On se protège de ce feu par l'apprentissage de la science authentique. On se protège de ce feu par le suivi de cette religion, le suivi du Coran et le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On se protège de ce feu par la mise en pratique de cette religion, en vouant exclusivement le culte à Allah subhanahu wa ta'ala et en se conformant dans l'ensemble de nos actes d'adoration à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On se protège de ce feu en apprenant notre religion et en l'enseignant à nos enfants et en leur donnant une bonne éducation religieuse. C'est ainsi que l'on se protégera du feu de l'enfer. et non pas seulement avec de faux espoirs. Mais il est indispensable de faire des causes pour atteindre cet objectif comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa fille Fatima radiallahu anha cette invocation immense. Et cette invocation, en l'enseignant à sa fille, c'est comme s'il l'enseignait en réalité à l'ensemble de la communauté. Il nous convient donc à nous également de veiller à suivre cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à prononcer cette invocation matin et soir, comme il l'a recommandé, sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons donc voir, incha'Allah ta'ala, le sens des paroles que contient cette invocation immense. Tu commences tout d'abord par implorer Allah subhanahu wa ta'ala par deux de ses noms en disant « Ya Hayyu, Ya Qayyum ». Al-Hayy qui est le vivant et Al-Qayyum celui qui subsiste par lui-même. Donc Al-Hayy et Al-Qayyum sont deux des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a déjà expliqué lorsque l'on a vu l'essence de Ayat al-Kursi, ces deux noms comprennent la perfection de l'ensemble des attributs et des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La perfection de ses attributs est comprise dans son nom Al-Hayy, le vivant, et la perfection de ses actes est comprise dans son nom Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Al-Hayy, c'est donc le vivant qui a une vie parfaite. Et ceci comprend l'ensemble des attributs relevant de l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exemple de l'attribut de l'ouïe, de l'attribut de la vue, l'attribut de la science, l'attribut de la puissance, l'attribut de la grandeur, l'attribut de la noblesse, et autres parmi ses attributs parfaits, car Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant d'une vie parfaite, une vie qui ne comprend aucun manquement ni aucun défaut. Et Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne parmi ses créatures. Il se passe de l'ensemble de l'univers. Et dans un même temps, c'est lui qui fait subsister toutes les créatures. Toutes les créatures ont besoin de lui. Et aucune créature ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui administre tout dans cet univers. Donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ces deux noms, qui comme on le voit comprennent la perfection de l'attribut de la vie et la perfection des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en réalité une manière d'invoquer qui est très profitable pour repousser tout ce qui s'oppose à la perfection de la vie du cœur et des actes qui en découlent. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné dans l'un de ses livres que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala invoquait souvent Allah subhanahu wa ta'ala par ces deux noms. Et un jour il lui a dit, ces deux noms ont un effet immense sur la vie du cœur. Et c'est quoi un cœur vivant? Un cœur vivant, c'est un cœur qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur rempli de foi, un cœur rempli de tawhid. C'est cela un cœur vivant, non pas le cœur distrait et insouciant loin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ces deux noms va avoir un effet sur la vie de ton cœur. Tu vois donc le mérite de l'invoquer de cette manière. Ensuite, tu dis dans cette invocation, « Birahmatika astarith » « J'implore ton secours par ta miséricorde. » C'est-à-dire que tu implores Allah subhanahu wa ta'ala par l'attribut de la miséricorde. Et tu t'en remets à lui pour qu'il te couvre de sa miséricorde et qu'il te facilite afin que tu t'attaches aux causes qui te permettront d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est nécessaire de faire les causes pour obtenir cette miséricorde, à commencer par le fait de concrétiser sa servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer un culte exclusif dans l'adoration, n'adorer nul autre que lui, se soumettre à ses ordres, délaisser ses interdits et implorer son aide à lui seul pour réussir à concrétiser cela. Donc en même temps que tu implores Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde, tu fais en parallèle les causes qui te permettent d'obtenir cette miséricorde. Tu concrétises ta foi, tu te soumets aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne te laisses pas leurrer par de faux espoirs. Ensuite tu dis « Aslih li sha'ni kullahu » Améliore ou réforme ma situation tout entière. Ma situation tout entière, c'est-à-dire aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Améliore l'ensemble de mes affaires afin de me permettre d'obtenir le bien et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et il ne fait aucun doute que la plus grande des réussites pour le serviteur est d'être guidé à la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse aimer la foi et qu'il l'enjolive dans ton cœur et qu'il te fasse détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. C'est cela la vraie réussite que l'on doit tous espérer. Et cette réussite, on ne peut l'atteindre qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui tu es musulman, si aujourd'hui tu es sur le tawhid, que tu vois un culte exclusif à Allah, que tu suis la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que tu suis la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, tu dois te rappeler que ceci est avant tout une grâce dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait faveur. Il t'a favorisé. Et s'il avait voulu, il t'en aurait privé. Comme en sont privés grand nombre de personnes parmi les créatures. Tu dois donc prendre conscience que ceci est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et prendre garde à ne pas penser que ceci est grâce à tes efforts ou grâce à ton intelligence ou grâce à tes connaissances ou autre. Non, en aucun cas. Mais c'est seulement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alladhi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Sans l'aide d'Allah, tu n'aurais pas été guidé. Sans l'aide d'Allah, tu serais dans l'obscurité et les ténèbres. Tu ne lui aurais pas voué un culte sincère. Sans l'aide d'Allah, tu n'aurais pas prié. Tu n'aurais pas fait l'aumône. Tu n'aurais pas cherché à apprendre ta religion. Tu dois être conscient de cela. Conscient de ce bienfait. Être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander sans cesse de te guider encore plus et de te raffermir sur cela. Lui demander de t'aider à te rapprocher davantage de lui. Car sans son aide, tu ne peux rien. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de dire à la fin de cette invocation « Wa la takilni ila nafsi tarfata'ayn » et ne me livre pas à moi-même, ne serait-ce qu'un instant. Ne me délaisse pas, oh Allah, ne m'abandonne pas, ne me livre pas moi-même, car sans toi je ne peux rien. C'est cela le sens de cette phrase. Ceci est une manière de manifester le besoin que tu as de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, et que tu ne peux en aucun cas te passer de lui, ne serait-ce qu'un instant. Et ce, dans toutes tes affaires, aussi bien dans tes affaires mondaines que dans tes affaires religieuses. Dans tes affaires mondaines, ta subsistance, tu ne peux l'obtenir que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonne à toi-même, quelles que soient les causes que tu vas accomplir, celles-ci ne te seront d'aucune utilité. Dans tes affaires religieuses, également tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de son aide pour pouvoir prier, pour pouvoir faire les bonnes actions. Tu as besoin de son aide pour apprendre la science, pour apprendre ta religion. Tu as besoin de son aide à chaque instant. Pour respirer, tu as besoin de son aide. Ce n'est que par sa grâce que tu respires. Chaque mouvement que tu fais, tu as besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas te passer de lui, ne serait-ce qu'un instant. On voit donc à travers cela, l'erreur gravissime dans laquelle sont tombés ceux qui se sont fait leurrer par certaines idéologies contemporaines qui poussent la personne à oublier ce besoin qu'Allah de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Comme le font les adeptes de ce que l'on appelle le développement personnel. On entend souvent ces gens-là répéter que l'homme doit avoir confiance en lui, que l'on doit avoir confiance en soi. Et la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est le tawakkul. Et le tawakkul, c'est quoi? Le tawakkul, c'est une adoration du cœur. Une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. On voit dans cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous livrer à nous-mêmes ne serait-ce qu'un instant, un seul souffle, tu ne peux te passer d'Allah. C'est donc en lui que tu dois avoir confiance, et non pas en toi-même. Comment pourrait-on avoir confiance en soi alors qu'on sait que l'âme est faible? On sait également que l'âme peut être très incitatrice au mal, comme on l'a vu dans un cours précédent. Elle pousse au péché, elle pousse au suivi des désirs et des passions. L'âme est très faible, et tu ne peux te passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment avoir confiance en soi? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: « Ceux qui ont péri n'ont péri que lorsqu'ils ont été livrés à eux-mêmes. » Allahu Akbar. Ils n'ont péri que lorsqu'ils ont été livrés à eux-mêmes, lorsqu'ils ont été délaissés et abandonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis de dire que l'on doit avoir confiance en soi. Mais on doit plutôt avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et s'en remettre à lui seul. Et si on cherche à se motiver pour entreprendre une action quelconque, on doit alors accomplir les causes légiférées nous permettant d'atteindre cet objectif et nous en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Seigneur et le Créateur des causes et de qui dépend l'aboutissement de ces causes. Ce n'est pas de ta personne que dépend l'aboutissement des causes que tu entreprends, mais c'est seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décrète ce qui est profitable et ce qui ne l'est pas. C'est lui qui décrète ce qui réussit et ce qui ne réussit pas. Et ce n'est pas ta personne. Aussi grande soit la confiance que tu as en toi, en ta personne faible et déficiente, si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu ne réussirais pas, alors tu pourrais t'aider de l'ensemble des créatures. Elle ne pourrait rien faire pour toi. Donc ta confiance, elle doit être en qui? Elle doit être en Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et tu dois être conscient qu'à chaque instant, tu as besoin de lui et tu as besoin de son aide. Et tu cherches refuge auprès de lui. Et tu l'implores afin qu'il ne te livre pas à toi-même, qu'il ne te livre pas à ta personne faible, qu'il ne te livre pas à ton âme incitatrice au mal. Tu lui demandes protection contre cela, car tu sais que, sans son aide, tu risques de courir à ta perte. Wallahu al-musta'an. Donc vous voyez que cette invocation, bien que ces mots soient courts, elle comprend en réalité des bénéfices immenses. Et ce hadith fait partie des paroles succinctes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'en quelques mots, il a réuni des choses comprenant de nombreux sens et de nombreux bénéfices. En effet, lorsqu'il dit « améliore ma situation tout entière », on a vu que cela englobe aussi bien les affaires mondaines liées à ce bas monde, les affaires religieuses et aussi les affaires de l'au-delà, afin que tu sois préservé dans l'au-delà. Et celui qui obtient la réussite et à qui Allah subhanahu wa ta'ala exauce cette invocation, alors il obtiendra tout bien ici-bas et dans l'au-delà. Et ce hadith également, il comprend ce bénéfice immense que l'on a vu, qui est l'obligation pour le musulman de s'en remettre dans toutes ses affaires Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et ceci fait partie de la perfection de la foi. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes vraiment croyant. On a donc terminé avec cette invocation et on verra la suite lors des prochains cours. Inch'Allah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم